Today, 11th of June, year 2014. So, the fourth day of our retreat. I keep on explaining about the reality, all of our yogi, the whole day, take the experience. I talking in theory sites, you can get in experience sites, right? Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin 2014. C'est le quatrième jour de notre retraite. Je vous ai expliqué depuis le début en quoi consiste la réalité. J'ai donc parlé de façon théorique, j'ai expliqué la théorie et vous avez pratiqué, vous avez donc expérimenté cette théorie. Je vous ai parlé en théorie du corps et de l'esprit et vous avez expérimenté notamment les quatre éléments dans votre corps. Ces quatre éléments vous sont apparus très clairement. Vous avez observé attentivement de façon à voir comment ces choses apparaissent. Vous les avez ressenties, vous les avez notées, vous les avez observées attentivement dans le but de comprendre comment ils fonctionnent réellement. Au total, nous avons 28 propriétés physiques. Parmi ces 28, les quatre éléments sont très clairs et vous les avez expérimentés. Ces quatre éléments font donc partie du corps. Le principe de base de Vipassana, c'est d'observer tout ce qui est prédominant en soi à chaque instant, dans le but de comprendre la véritable nature de ces processus. Ce qui est très prédominant en nous pour le moment, ce sont les quatre éléments. Chaque fois que nous observons ces quatre éléments à l'intérieur de nous, nous comprenons en quoi consiste le corps. Le corps est fait de ces quatre éléments qui changent constamment. Je vous ai donné l'exemple hier de la rivière qui coule sans arrêt. Nous devons comprendre, par une observation très attentive des éléments, que le corps est en état de flux. Il est fait d'un nombre incalculable de phénomènes qui sont en état de flux. Mais il faudra, pour réussir à voir cela, que nous fassions un gros effort, que nous développions notre concentration, sinon ces choses ne seront pas claires et nous ne pourrons pas comprendre en profondeur en quoi cela consiste. Plus nous observons, plus ces phénomènes deviennent clairs. Et si nous maintenons notre attention pendant un certain temps, nous verrons de plus en plus de processus. La vie, le corps et l'esprit, donc la vie, est faite de processus qui sont en état de flux. Et ce flux ne s'arrête jamais. Il existe depuis la naissance jusqu'à la mort. Et même après la mort, ces processus vont se remanifester dans un nouveau corps et un nouvel esprit. C'est pour toutes ces raisons que nous devons observer très attentivement ces phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent en nous à chaque instant. Plus nous observons ces phénomènes, plus nous nous débarrassons des impuretés mentales. Les kilesas et les impuretés mentales viennent de l'esprit. Elles ne viennent pas du corps. Hier, je vous ai déjà expliqué en quoi consiste l'esprit. L'esprit, c'est ce qui expérimente l'objet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'esprit note les objets. La sagesse, c'est comprendre en profondeur, comprendre en détail. Ici, lorsque nous méditons, nous observons toutes sortes d'objets. L'esprit expérimente ces objets. Mais l'esprit n'est pas seul à expérimenter ces objets. Il y a trois autres composantes qui seront présentes. En tout, il y a donc quatre catégories d'objets qui sont présentes lorsque un objet est noté. Donc, il y a du côté du corps les quatre éléments. Et ces quatre éléments ont chacun leurs caractéristiques, leurs fonctions, par exemple la chaleur ou le froid, le mouvement, la vibration, la dureté, la douceur, ce sont donc des caractéristiques spécifiques à ces éléments. Du côté de l'esprit, il y a également quatre catégories. Il y a tout d'abord l'esprit qui expérimente, et il y a alors différentes consciences qui vont se manifester selon la base à laquelle elles appartiennent. Par exemple, il y a l'esprit qui voit un objet. Il y a l'esprit qui entend un son. Il y a l'esprit qui sent une odeur. L'esprit qui expérimente un goût, une saveur. Et l'esprit qui touche. Ce sont donc toutes des consciences différentes. Et toutes ces consciences apparaissent en même temps que l'esprit qui expérimente. Ces choses apparaissent donc et disparaissent ensemble. Le fait, la conscience qui entend, la conscience qui voit, la conscience qui goûte, qui touche ou qui sent une saveur, c'est la réalité. Mais si on dit par exemple ceci est le son d'un oiseau, le son d'une voiture, etc., ça, reconnaître ces sons comme étant celui d'une voiture ou d'un oiseau, ce sont des concepts. Le fait d'entendre, c'est cela la réalité. Le fait de voir, le fait de goûter, de toucher ou de goûter. Et donc toutes ces choses apparaissent et disparaissent ensemble. Donc, il faut faire la différence entre la conscience sensorielle, vijnana kanda, et la sensation, vedana kanda, le ressenti. Pour qu'il y ait ressenti, il faut obligatoirement qu'il y ait conscience, qu'il y ait esprit. Ces choses apparaissent et disparaissent donc ensemble. Mais les personnes ordinaires, en temps normal, sont tout à fait incapables de faire la différence entre ces deux premières catégories. Une troisième catégorie de phénomènes, c'est la perception. En pali, on dit sanya. La perception, c'est en fait la mémoire. L'esprit va expérimenter un objet, il aura une sensation qui correspond à la base à laquelle elle appartient, et viendra ensuite la perception, il se souvient de cet objet. Cette troisième catégorie, c'est donc sanya. Donc, la deuxième et la troisième catégorie, vedana kanda, la sensation, et sanya kanda, la perception, sont des choses qui sont très claires, très évidentes, faciles à reconnaître en soi. On expérimente, on ressent et on se souvient. La quatrième catégorie, c'est Sankara Kanda, les formations mentales. Il s'agit ici essentiellement de Chetana, la volition. Mais il y a également dans cette quatrième catégorie des facteurs comme l'avidité, la colère, la haine, l'orgueil, la joie. Tout cela fait partie de Sankara Kanda. Il y a au total 50 formations mentales dans ce contexte. Ce sont donc toutes les intentions, les volitions, les désirs de faire ceci ou de faire cela. Cette quatrième catégorie est très large. Mais par la pratique de Vipassana, on réussira cependant à la reconnaître, mais l'attention va surtout se porter sur les deux premières. La deuxième et la troisième, la sensation et la perception. Nous avons donc des phénomènes qui appartiennent au corps, à la matière, mais il y a également des phénomènes qui appartiennent à l'esprit. Ce sont ces quatre catégories d'objets. Et donc, tous ces facteurs apparaissent ensemble, mais ils sont très difficiles à différencier. Prenons un exemple. Si on mélange quatre types de jus, un jus de mangue, un jus d'avocat, un jus de pomme, un jus de cerise par exemple, on les mélange, comment savoir Quel est le goût? Comment reconnaître les différents goûts? Donc, tous ces processus mentaux apparaissent ensemble. Ils sont très difficiles à différencier. Ah oui, c'est un petit peu comme si on mélangeait quatre sortes de jus. Une fois qu'ils sont mélangés, on parle d'un jus de fruits. Mais il n'est pas possible de dire, voilà, telle partie appartient à la mangue, telle partie à l'avocat, telle partie à la pomme ou à la cerise. Ces choses sont donc très difficiles à différencier. Mais par la pratique de Vipassana, il deviendra possible de les reconnaître. Nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il n'est pas possible d'arriver à expérimenter ces choses de façon pénétrante, en profondeur, en détail, en y réfléchissant. Le Bouddha a dit que le penseur ne va pas réussir à voir en profondeur. Seul le sage peut arriver à différencier toutes ces choses, celui qui pratique. Ici, nous pratiquons donc Vipassana dans le but de développer notre compréhension, notre sagesse. Nous allons devoir commencer par nettoyer notre esprit, le purifier. Pour y arriver, il faudra obligatoirement fournir un effort, développer notre attention et notre concentration. De nouveau, prenons un exemple. Le scientifique étudie l'eau dans son laboratoire. Il utilise des instruments et il en arrive à voir qu'il s'agit de processus infiniment petits et il décompose cette eau en H2O. Mais tout ceci porte sur des phénomènes physiques. Le Bouddha va procéder de la même façon, mais lui, il le fera au niveau de l'esprit. Et il n'ira pas dans un laboratoire pour cela, il ira dans la forêt. Il va pratiquer la méditation. Et il va réussir à décomposer son esprit de façon très pénétrante. L'esprit est extrêmement rapide. Les processus mentaux apparaissent et disparaissent à très grande vitesse. On dit qu'en un claquement de doigts, il y a 1 000 000 000 de processus mentaux qui apparaissent et disparaissent à l'intérieur de nous. Ces processus sont donc très difficiles à percevoir et à distinguer. Ici, lorsque nous méditons, nous verrons un processus d'apparition et de disparition. Nous restons dans l'instant présent et voyons tous ces processus apparaître et disparaître. Donc, on parle de l'instant présent, mais il faut savoir qu'il y a 3 sortes de présent. La première sorte de présent, c'est le présent appelé momentané. À chaque moment, il y a un présent. L'esprit contemple donc l'esprit. Mais comment est-ce possible, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit, serait-il possible que cet unique esprit, cet esprit qui existe dans l'instant présent, puisse observer ce même esprit qui n'existe que dans l'instant présent? En fait, ce n'est pas possible. Mais il faut savoir que l'esprit est extrêmement rapide et les consciences se succèdent à très grande vitesse. Il y en a 1 000 000 000 par fraction de seconde. Donc, ces différentes consciences, ces différents esprits sont séparés par un laps de temps extrêmement court. L'esprit qui va donc noter l'esprit note en fait l'esprit qui vient d'apparaître juste après la disparition du premier. Donc, à un moment extrêmement rapproché, et donc ceci c'est le deuxième type de présent, c'est le processus de présent. Lorsque nous pratiquons la méditation, c'est le processus de présent que nous observons, le processus des consciences. C'est donc l'esprit qui note, l'esprit qui suit immédiatement, mais qui n'est séparé du premier que par un très court moment. Il y a enfin le troisième type de présent. C'est par exemple lorsque on dit aujourd'hui. Lorsqu'on dit aujourd'hui, il s'agit du présent, mais d'une plus longue durée, une période de temps plus longue. On peut également parler d'un mois. Il s'agit là aussi du présent, mais qui comporte une période de temps plus longue. Ce type de présent ne joue pas dans Vipassana. Dans Vipassana, c'est le deuxième type de présent dont il est question. Le processus de présent. Pour observer ce processus des consciences, ce processus dans l'instant présent, il faut obligatoirement avoir une forte concentration. Le premier travail du méditant va donc consister à développer son attention, sa concentration. Il va devoir faire un effort pour y arriver. Sa compréhension doit également devenir forte. S'il réussit à faire cela, il pourra observer, noter, expérimenter, comprendre l'interaction entre le corps et l'esprit. Mais s'il se contente d'étudier ces choses d'un point de vue théorique, il n'y arrivera pas. Ne perdons donc pas notre temps. Aujourd'hui, beaucoup de yogis ont progressé dans leur pratique. Ils ont pu constater par eux-mêmes leur progrès. Si vous n'avez pas encore expérimenté ce dont il vient d'être question dans l'enseignement, ne soyez pas découragé. Continuez à développer votre concentration, votre sagesse, et vous arriverez un jour à comprendre ces choses qui sont encore abstraites pour vous. Vous aurez alors réussi à comprendre dans une certaine mesure le Dhamma, et le Dhamma vous sera très utile dans votre vie. Ces catégories mentales sont donc très importantes. Il est très important, notamment, de bien comprendre en quoi consistent les sensations. Car les sensations sont l'endroit où s'enracinent les émotions. Si nous comprenons expérimentalement, si nous voyons le processus des sensations, si nous voyons que ces choses apparaissent et disparaissent constamment, nous aurons compris la nature des sensations. Si nous comprenons la nature des sensations, qu'elles apparaissent et disparaissent constamment, il n'y aura plus d'attachement aux sensations. Les personnes ordinaires, dans la vie de tous les jours, s'attachent à tous ces phénomènes. Et c'est à cause de cet attachement qu'elles sont amenées à devoir souffrir. Mais si nous pratiquons la méditation et que nous comprenons ces choses, la vie va devenir facile à vivre. Il n'y aura plus ni passé ni futur. Il ne restera que l'instant présent. Nous aurons compris que ce qui s'est passé hier n'existe plus. Cela a totalement disparu. Croire que ce qui s'est passé hier va se prolonger aujourd'hui est de l'ordre du concept. Et si nous percevons au niveau des concepts, il est inévitable que l'attachement se développe. On pourrait penser, nous qui sommes ici, que Sayadonanda Siddhi nous a donné un enseignement hier, qu'il le donne aujourd'hui, et que c'est toujours ce même Sayadonanda Siddhi qui va donner son enseignement demain. Tout cela, ce sont des concepts. Il n'y a que l'instant présent. Nous devons donc réussir à voir que les choses ne durent qu'un instant, que tout passe constamment. Rien ne dure. C'est la réalité. Le Bouddha nous dit que celui qui réussit à rester dans l'instant présent ne souffre pas. La souffrance, c'est le fait de croire qu'il y a un hier, qu'il y a un lendemain, c'est espérer le lendemain et repenser au passé. Ici, nous nous entraînons à comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Si nous développons notre attention, notre concentration, Panya, la sagesse, va se manifester et nous pourrons alors appliquer cette sagesse dans notre vie de tous les jours. Si nous réussissons à faire cela, notre vie va devenir très harmonieuse. Il est donc très important de réussir à comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Pour y arriver, nous devons continuer à nous entraîner avec effort, attention et concentration. Nous devons essayer de comprendre comment fonctionnent réellement le corps et l'esprit, l'interaction entre le corps et l'esprit. Ne perdons donc pas notre temps. Évitons de parler. Continuons à faire l'effort de développer notre attention et notre concentration de façon à détenir cette puissance de l'esprit qui va nous rendre capables de comprendre la réalité. Une fois que nous aurons compris la réalité, nous pourrons l'introduire dans notre vie de tous les jours qui va devenir très harmonieuse. May you all be able to understand of the as real as our life, then can manage your life beautifully until the end of the samsara. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.